changez pas de radio, le son débarque. Radio One Passion. Bonsoir, vous êtes avec Bérénice pour la première émission dans les coulisses. Cette émission se déroule deux fois par mois, les lundis soirs de 19h à 20h. Le concept est de découvrir sous forme d'interviews et de live des artistes de notre région basés sur l'émergence. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un jeune chanteur, Soul, de Blois, originaire de Madagascar. La nouvelle star disait de lui qu'il était solaire. Il présente son EP qu'il sortira le 1er avril prochain. Je souhaite la bienvenue à Niritsu sur Radio Web Passion. Bonsoir. Bonsoir Niritsu d'être parmi Bonsoir nous. Tout le monde. Merci à vous pour l'invitation. C'est avec plaisir. Donc tu présentes, tu es venu pour présenter ton album, enfin ton EP. Exactement. Qui est, je trouve, intimiste et chaleureux, donc très personnel, qui te ressemble vraiment. Ah bah écoute, merci beaucoup, c'est top si ça me ressemble. Effectivement, c'est un projet qui me tenait à cœur déjà parce qu'elle a une histoire. Et dans le fond, je voulais faire quand même quelque chose d'assez simple qui était assez agréable aussi à écouter pour tout le monde parce que j'ai vraiment tourné pop et on verra de toute façon tout à l'heure que mes influences ne sont pas forcément pop au départ, mais voilà, c'est un projet qui est très très particulier pour moi. Ouais. C'est un EP qui est composé de combien de titres? Alors c'est un EP de 4 titres et vraiment, comme on dit, c'est vraiment mon premier en fait que je sors et voilà, j'ai vraiment mis pas mal de force, d'énergie, de bonnes ondes. Et on en parlera encore tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas seulement porté par moi seul, en fait. Donc, ah, justement, ça va faire partie de mes questions. Il est essentiellement français, cet EP? Oui, c'est un EP en français. Et puis, vous verrez, il y aura quelques petits clins d'œil aussi à mes origines et aussi quelques petits délires, comme on peut dire. D'accord. Peux-tu nous dire ce qui t'a en fait inspiré aujourd'hui, enfin les personnes qui t'ont inspiré, les artistes qui t'ont inspiré? Alors ça, c'est déjà une question que je trouve toujours difficile parce que en fait, je suis pas difficile en musique. C'est-à-dire que j'écoute énormément de choses. J'aime beaucoup parce que quand j'ai commencé à chanter, j'avais quand même quelques références. Donc j'aimais beaucoup les chanteurs afro-américains, les chanteurs malgaches. Oui. Donc si je peux dire des noms. Tu peux. Oulmbel Reki, c'est un artiste que tous les malgaches connaissent. Il a un certain groove que j'aime bien, une certaine énergie. Et j'aime beaucoup aussi, du côté un peu afro-soul, Brian McKnight, soul R&B. Stevie Wonder, évidemment. Bien sûr. Et puis pas mal de choses aussi, il y a aussi des filles, hein. Je peux citer Colby Kaya par exemple, qui n'a rien à voir avec de la soul, mais je trouve que elle a une certaine douceur que j'apprécie beaucoup, et voilà, c'est une sorte de variété en fait de morceaux, et rythmiquement sinon j'aime pas mal de choses, hein. Ça part un peu du latino jusque l'afro d'Afrique, et tout ce qui groove, côté soul, jazzy, groove et américain. D'accord. Donc tu es auteur, compositeur et interprète, c'est bien ça? C'est ça, oui. Je suis auteur, compositeur, interprète. Est-ce que c'est pas trop difficile de faire les trois à la fois? Est-ce que tu te fais aider? Alors, si c'est en fait au début, j'ai commencé à écrire ma première chanson. Écrire pour moi, c'est quand même un peu plus difficile que composer, par exemple. Mais c'est pas difficile dans le sens où c'est quand même incorporé sur mon profil personnel. Très jeune, j'ai appris à... Voilà, j'ai vu des références. Moi, j'ai ma grande sœur qui écrivait des chansons très tôt, très jeune. C'était une machine de guerre. Et je sais pas, je me suis dit, moi aussi, je vais écrire mes propres chansons. Et c'est venu comme ça. C'est facile dans le sens où on réalise ça à la maison. Ce qui est difficile, c'est justement le mettre en avant, mettre en amont comme l'EP qu'aujourd'hui qui a été réalisé. Voilà, il y a 4 titres dessus, mais au final, j'en ai fait plus que ça. il fallait bien choisir. Donc ça sera pour la prochaine fois. Exactement, ça sera pour les prochaines sessions. Du coup, tu écris en premier ou tu composes, enfin tu comment, dans quel sens tu le fais, ou il y a pas de règles? Non, moi j'ai pas de règles. Il y en a qui ont peut-être des règles, mais moi j'en ai pas. Des fois, il y a des, j'écris des textes histoire de dire il faut que j'écrive quelque chose parce que il faut que je m'exprime. Et puis plus tard, je trouve la mélodie à chanter dessus. Soit parce que je commence à avoir un début d'instrumental, ou soit parce que j'essaie de trouver justement la mélodie vocale avant de trouver une mélodie instrumentale. D'accord. Et la façon dont tu écris, est-ce que c'est du vécu? Est-ce que, ou alors c'est, je sais pas, une histoire que tu t'es réappropriée de quelqu'un, ou est-ce que c'est ton propre vécu réellement? Alors là, on parle vraiment du côté auteur. Hein. Oui. Et c'est vrai que c'est un cheminement, en fait, assez particulier. Il n'y a pas de règle. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé une qui marche bien avec moi. Et non, c'est, des fois, c'est du vécu. Des fois, c'est juste des textes imaginés, des mots imaginés, mais qui partent quand même d'un sentiment, d'une émotion. Et des fois, c'est tout simplement des choses inventées. Une espérance, c'est-à-dire espérer trouver quelque chose. Enfin, je parle par exemple d'un morceau qui sera dans l'EP qui s'appelle Fia Danana, qui veut dire paix en fait. Et en fait, je parle tout simplement d'une perspective, d'avoir une paix en soi, une paix aussi qui est peut-être mondiale, qu'on cherche tous. Et je parle des enfants, je parle de sourire d'un enfant, ce que ça peut procurer. Moi, j'ai plein d'exemples chez moi quand je vois mes petits neveux, voilà, ça me fait plaisir de les voir quand ils arrivent, ils sourient, ben ça te fait quelque chose. Donc j'avais envie d'écrire quelque chose comme ça, mais qui serait plus universel et pas seulement pour moi. Donc c'est un titre, voilà, c'est un exemple que je peux vous dire. Très intéressant. Est-ce que ça s'apprend d'écrire? Je suis un petit peu voilà, voilà, est-ce que toi tu as appris, tu es autodidacte aujourd'hui, je crois. Hein. Oui, en fait, je pense que tout s'apprend quand même. Aujourd'hui, je fais du coaching. Il y a pas mal de choses que j'ai appris quand même sur le terrain, mais ça dépend quel type d'école tu prends. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui est inné. Je prends un exemple. Moi, dans ma famille, il y a des personnes qui ont ça. C'est inné pour eux d'écrire. Moi, c'est pas inné. C'est quelque chose que j'ai dû travailler quand même. Et d'ailleurs, je suis pas très difficile dans l'écriture. Je vais pas forcément aller chercher une écriture très très très très très profonde. Donc, je pense que je peux encore progresser à ce niveau-là. Mais pour le moment, j'arrive quand même à sortir des choses qui parlent de l'émission, qui me satisfait et qui satisfait aussi certains publics que j'encontre quand je fais de la scène. Et voilà, c'est l'écriture, c'est ça s'apprend. Comme chanter, ça s'apprend. Chanter, tout s'apprend dans la vie. Et moi, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'il faut développer. Il faut toujours continuer à écrire. Et l'écriture, ça reste aussi très subjectif. Voilà, j'ai rencontré pas mal de gens qui, en faisant écouter un peu mon morceau, des professionnels, hein, ils trouvaient que justement l'écriture était mon point faible. C'est chose que c'est exactement vrai. Tu as travaillé dessus. Et d'autres qui vont trouver ça très bien parce que du coup, mélodiquement, c'est super bon, ça marche, c'est très simple. Donc voilà, c'est une question de point de vue, je pense, aussi. Qu'est-ce qu'une bonne écriture? Qu'est-ce qui n'est pas bonne écriture? Qu'est-ce qui est fort? Qu'est-ce qui n'est pas fort? Et ça dépend aussi de la musique que tu veux faire. Mmh. Effectivement, quand tu vas faire de la variété française, effectivement, il faut quelque chose de plus profond, plus, peut-être plus de contexte, plus de bonne écriture, meilleure tournure de phrase. Moi, en tout cas, pour ce projet-là, j'ai pas forcément cherché à une écriture hyper pointueuse. C'est vraiment, je suis vraiment venu au feeling, quoi. Est-ce que, là, aujourd'hui, tu défends ton projet solo depuis combien de temps, finalement? Enfin, t'as commencé la musique il y a combien de temps? Et ensuite, ton projet, parce que du coup, ton projet, c'est vraiment très personnel, c'est intimiste, là, parce que quand t'as un projet solo, quand même. Exact. Donc, il y a la reprise, Ça, c'est pour jouer. Enfin, tu joues, tu interprètes très très bien en fait les reprises. Mais là, c'est vraiment plus intime. Et à quel moment tu as eu le déclic et l'envie justement de passer sur ton projet solo ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais aussi partie. J'ai toujours fait partie d'un groupe avec la famille, et on a toujours chanté ensemble. Aujourd'hui, on a aussi des projets indives. Voilà, c'est les opportunités de la vie qui font ça. Et je pense que c'est aussi un moyen que la vie te donne pour développer ce que tu as déjà. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et c'est un... Ce projet-là, je le défends. J'ai toujours eu envie de faire ça, en fait. Tout simplement, je me voyais faire de la musique, que ça soit pour moi ou pour d'autres gens, en même temps avec des gens, en groupe ou en solo. C'est vrai que faire un projet en solo, c'est top parce que c'est toi, quoi. Je peux pas forcément tricher sur ce que je dois dire, ce que je dois faire. Voilà. Les reprises, c'est quelque chose qui te touche, que tu interprètes déjà. Alors que là, c'est quelque chose que tu as envie de dire. Et c'est différent, c'est un autre point de vue. C'est une autre posture, je dirais. C'est une autre posture. J'ai une dernière petite question avant que tu nous interprètes un de tes titres en live. Est-ce que tu as pensé à collaborer avec d'autres artistes sur d'autres projets ? Et puis on se recentrera après sur... Exact. Oui, j'ai déjà commencé à faire... J'ai des personnes en tête qui le savent d'ailleurs. Et moi, je ne vais pas dire tous les noms là, mais avec qui je prépare déjà des projets. Donc c'est des chanteurs, des artistes. Qui sont c'est de notre région, Centre-Val ? Non, pas de notre région. C'est des artistes de Paris, de Bordeaux, de Toulouse. Et dans notre région, j'ai forcément ma grande sœur, ma nièce. Mais pour le moment, on est plus en attente de quand ça se fera. Et je collabore aussi déjà, par exemple, pour la préparation de mon EP suivant. Avec des producteurs parisiens. Quand je dis producteurs, c'est des compositeurs-producteurs en fait, avec qui je travaille déjà en parallèle. Du coup, c'est plus de la création ensemble. C'est pas des chanteurs. Ils sont pas chanteurs, eux. Ils sont plus créateurs de musique. Et en fait, on collabore déjà ensemble. C'est vraiment des projets top, quoi. C'est des... Plein de belles choses qui arrivent. C'est ça. Moi, je pense que la musique, c'est... La musique, ou même dans tout domaine, on peut pas forcément... On peut tout faire tout seul. Mais... On ne peut pas réussir seul. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, quand je dis réussir, c'est avoir des bonnes sonorités. Moi, sur l'EP, là, j'ai travaillé avec d'autres personnes qui m'ont donné aussi un certain feedback, qui m'ont donné de leur expérience, qui fait qu'aujourd'hui, ça sonne comme elle sonne aujourd'hui. Sinon, au départ, ça ne sonnait pas comme ça. Donc, voilà, c'est arriver à un objectif précis. Voilà, tu as envie que ça sonne comme ceci. Ben, il faut que tu t'entoures de certaines personnes pour que ça marche. Pour qu'en tout cas, tu sois satisfait, toi. Au départ. Alors, je te propose de te mettre à la guitare. Yes. Alors, elle est quand même assez... tu nous expliques, parce qu'on ne peut pas te voir. Moi, je te vois. Oui. Parle-nous de cette guitare rapidement, avant de te mettre à jouer. Alors, cette guitare, elle a c'est une histoire. Vous savez, moi, je suis un grand faya de tremplin. Je l'étais, en tout cas, tremplin. Et voilà, je l'ai gagné sur un tremplin qui s'appelait Les Voix de la Chance. Voilà, c'était quand on faisait des tournées avec la Française des Jeux. Et par suite, je l'ai utilisé quand j'ai fait La Nouvelle Star, justement. Et elle a été dédicacée par tous les artistes présents. En tout cas, les finalistes de La Nouvelle Star, plus du coup le jury et du coup la présentatrice, Laurie Chaleva et tout ça. On va en parler tout à l'heure. C'est une histoire. Merci. On t'écoute. Ça marche. Donc, tu nous interprètes I Want You. C'est ça, I Want You. C'est un titre de ton nouvel EP qui s'appelle Passion. Exact. Donc, c'est le titre qui sera justement, qui sortira le premier, qui est le single qui sortira le vendredi 13 mars. Ta ta ta ta ta ta. Le jour se lève en Liban, ton amour, ton cœur brille d'avenir. Je veux tenir dans mes bras la force des souvenirs. Tout ce silence m'enivre autant, et tout à coup j'entends le téléphone qui sonne, sonne, sonne. Cette mélodie qui chante autant, espoir qui continue pour que je donne, donne, donne. Tous ces grands airs sont mes supplices, à cœur ouvert ça me précipite. Dans un fin fond lointain où les battements du cœur nous trahissent, d'avouer ce sentiment car tu es mon délice. Comme demain ne nous appartient pas, le présent est mien. C'est pour ça, écoute ça, je suis fou de toi. Quelques pas qui s'en vont et vient, lady, je veux te plaire. Hippopotame, je t'ai dans mes bras, je voudrais te faire, man. Je ne peux plus me taire, courage, je dois le faire. Ce premier pas qui nous emmène aurait au septième ciel. Jeune créature, donne-moi ta chance. Tu es mon ange, j'aime quand tu danses, danses, danses. Je viens d'un pays lointain, alors je chante. Au crépuscule, tu es ma providence. Comme demain ne nous appartient pas, le présent y tient. C'est pour ça, écoute ça, no. J'aime quand tu es là. Bravo, magnifique. Merci beaucoup. Donc vous êtes toujours avec Niritsu dans les coulisses de Bérénice sur Radio Web Passion. Donc Niritsu nous présente son EP qui sortira le 1er avril, donc avec le single sous forme d'un clip. C'est le ça. 13 mars prochain. Donc formidable quand même de pouvoir vivre de sa passion aujourd'hui. Exact, disons que c'est des... Le message que je pourrais dire, c'est voilà, continuer à... Il faut toujours donner en fait le meilleur de soi. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Il n'y a pas que en musique qu'il faut dire. Et mais c'est vrai que quand tu as une envie, il faut y croire, il faut s'y voir. Et voilà, c'est bien que ça soit difficile. Hein. C'est comme les sportifs de haut niveau. Voilà, il faut du travail avant d'arriver à un certain niveau, avant d'avoir du résultat. Et c'est vrai que ouais, c'est plaisant. C'est une aventure. Aujourd'hui, tu vis de ta passion, du coup. Exact, non, sous forme différente, on en parle. Alors, sous forme de différente. Alors, tu es intermittent, enfin, il y a plusieurs possibilités pour en vivre aujourd'hui. Voilà, moi au départ, je voulais pas, enfin, je suis pas intermittent, mais au départ, je et c'est un conseil qu'on a pu entendre que j'ai vraiment aujourd'hui conscience, c'est que quand tu commences à vouloir faire de la musique ou même photographe ou toutes sortes de choses dans l'art, l'intermittent, c'est pas forcément, on se dit pas je veux être intermittent du spectacle, parce que c'est difficile, il faut il faut avoir aujourd'hui 507 heures et 43 dates officielles sur 12 mois. C'est ça. Et moi, j'ai pas 43 dates sur 12 mois, mais je travaille sous forme de facture, enfin facture auto-entrepreneuriat en fait. D'accord, et, c'est l'auto-entrepreneuriat, d'accord. Voilà, donc c'est de la, comment on peut dire ça, c'est du t'as de la prestation de service. C'est de la prestation de service, tout à fait. D'accord. Mmh. Donc là, ça c'est pour toi en vivre. C'est et, ça. Et du coup, pour financer aussi ton projet. Hein, parce que, exact. Alors, comment t'arrives à allier les deux? Alors, là, on va rester sur l'EP. Sur l'EP, l'EP en fait, c'est grâce au système de crowdfunding, donc du financement participatif, qui m'a permis aujourd'hui de réaliser. Et je pense que c'est un bon vivier. Notamment quand tu commences à avoir du monde ou des personnes qui croient en ton projet. Le plus difficile, en fait, c'est pas forcément... voilà, comment on peut croire en ton projet et c'est ça, en fait. Et justement, c'est un des bienfaits que j'ai eu après La Nouvelle Star. C'est que les gens ont cru en ce projet et ils m'ont aidé à financer cette EP. Voilà, c'est cool, quoi, de se dire qu'il y a des gens qui croient en ce que tu fais et ça donne encore plus d'élan. Et s'il est sur pied aujourd'hui, c'est grâce à ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a tout le reste qui vient derrière. Je pense qu'avec un peu de notoriété aussi, il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui peuvent ou qui veulent aussi bosser avec moi, qui fait que financièrement, c'est moins compliqué que d'habitude, quoi. Tout simplement. C'est une question de, puis il y a le côté humain aussi. Il y a le côté financier, mais il y a le côté humain. Est-ce que il y a un feeling qui passe? Voilà, c'est tout un... la musique, comme je dis, c'est un projet. C'est quelque chose que tu vois. Je pense qu'au long terme, tu te dis, voilà, j'ai envie de faire ça. Comment je peux y arriver? Et justement, cette EP, elle a une énorme histoire parce qu'en 2015, je finissais mes études. Et en fait, je voulais faire un album. Je me suis dit, après mes études... entre-temps, je vais trouver un travail. Truc habituel, quoi. Donc... entre-temps, je me suis dit, je vais quand même trouver un petit truc. Je vais bosser et je vais mettre un peu d'argent de côté pour réaliser un EP, un album. Je sais pas la forme que ça aura, mais j'avais en tête de faire ça, quoi. Et c'est arrivé. Quelques mois après, je me suis retrouvé sur La Nouvelle Star. 6 mois après, je me suis retrouvé sur des primes. 3 mois après, je me suis retrouvé contacté par des producteurs, des réalisateurs de projets avec qui, du coup, j'ai pu travailler cet EP. Et voilà, nous voici aujourd'hui avec ce projet-là. Et c'est une histoire que j'ai gardée en moi aussi, parce que voilà, c'est des choses qui nous nourrit. Et ce que je peux dire aux internautes, c'est que voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé depuis longtemps, que aujourd'hui je réalise. Et je ne le réalise pas forcément tout de suite, d'ailleurs. On verra, je pense, dans les mois qui vont arriver. Mais c'est un plaisir de se dire qu'on a fait quelque chose et que on est accueilli dans des radios, accueilli sur des scènes, des festivals, des choses comme ça, quoi. Tu te produis sur quel type de scène aujourd'hui, toi? Alors, il y a plusieurs types de scènes. Il y a les bars, les salles aussi, oui. Les événements des mairies, les fêtes de la musique. Nous avons aussi des mariages. Je fais régulièrement aussi des mariages. Des soirées privées, en et, fait. Voilà, et des soirées privées, ouais. Type... une soirée que je peux dire, c'est quand tu fais des défilés de mode où t'es appelé à faire un show, quoi. Notamment bah, le 7 mars, dans quelques jours, je suis sur un show sur Paris. Ah. Donc, ouais, c'est top de se dire qu'on a un projet frais que tu vas pouvoir présenter sur une grosse scène avec du monde, avec plein d'artistes différents. Et voilà, c'est des scènes comme ça où tu te fais des rencontres. On parlait tout à l'heure de comment tu vis ta musique. Bah, c'est des rencontres. T'arrives, tu crées ton réseau. Voilà, il faut se créer son réseau. Il y a aussi, comme on dit, il y a les scènes où tu vis ta musique. Il y a aussi les scènes qui te font progresser. Mmh. Faut jamais les négliger. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a un bon filon. Tu peux rencontrer d'autres gens et c'est parti, quoi. On va aborder La Nouvelle Star dans quelques minutes, mais je voulais quand même parler un petit peu de cette histoire de famille qui a dans la famille. Mmh. Donc tu as pratiquement, enfin, il y a combien de personnes dans la famille qui jouent de la musique aujourd'hui dans ta famille? Alors dans ma famille proche, c'est-à-dire mes frères, mes sœurs, tout le monde chante. J'ai 4 grandes sœurs, un grand frère, tout le monde chante bien, tout le monde chante en harmonie, quand on est ensemble en famille. J'ai ma mère qui chante très bien aussi. Mon papa, il jouait de la guitare avant, mais mon père, il est un peu plus réservé, donc il joue pas forcément avec nous, mais mon père, il aime bien chanter. Voilà. C'est, et sinon, ceux qui font de la musique professionnelle, on est 3, en fait. Il y a ma petite nièce, c'est ma nièce, et ma grande sœur, Eninsu Nailins. Donc, on forme un groupe, et en ce moment, on travaille sur des projets solo qui font que, aujourd'hui, justement, c'est aussi le moment pour nous de faire des projets en solo, et voilà, on se quitte pas non plus. Donc, Nailins, c'est ta nièce. Nailins, c'est ma nièce, oui. Et Eninsu, c'est ta sœur. Eninsu, c'est ma grande sœur, c'est sa maman, elle. D'accord. Très bien. Alors, elle fait pas du tout son âge, hein. Ouais, c'est vrai que, c'est top. Tu lui diras. Eninsu, parce que... si t'es là. Je pense qu'elle t'écoute, ouais. C'est possible. Bonsoir, Eninsu. Bonsoir. Alors, justement, on va l'écouter. D'accord. Parce que ça fait partie aussi de tes choix, en fait, d'écoute. Exact. Et tu as choisi ta sœur. C'est ça. Donc, on va écouter un titre d'Eninsu qui s'appelle Gassikara, c'est exact. Ça. Exact. En fait, il y a deux histoires dans cette chanson. C'est que c'est une chanson qui parle de notre enfance à Madagascar. Parce que moi, je suis né là-bas et j'ai vécu 10 ans là-bas. Elle, plus longtemps encore. Et deuxièmement, je voulais aussi lui faire un petit clin d'œil parce que en ce moment elle sort des projets aussi en solo et en même temps ça bouge ça me fait plaisir quoi. Ouais, j'ai écouté, c'est particulièrement intéressant, magnifique. Ça marche. Ouais. Merci. On y va. Quand on allait se cacher, on jouait à la Rebonsoir. On est toujours avec Neritsu. Rebonsoir. Qui est jeune chanteur blaisois. C'est ça. Qui nous présente son clip le 13 mars qui sort du single I Want You, qui exact. Sera sur ton OP en exclu le 1er avril. Exactement. J'ai tout bien dit. Exact, t'as tout bien dit. Du coup, le clip, ça sera forcément sur YouTube. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne et puis toutes les plateformes de téléchargement légales et aussi YouTube pour l'EP à partir du 1er avril. Et ce n'est pas une blague. Si on veut te faire jouer aujourd'hui, il faut qu'on aille sur quel réseau aujourd'hui ? Sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis aussi sur Twitter et aussi sur Snapchat. C'est donc là en où fait, je travaille beaucoup. Tu travailles beaucoup, d'accord. Toi, tu travailles partout en France aujourd'hui. Exact, partout en France. J'ai eu l'occasion de faire des projets en Guadeloupe. Voilà, c'est des voyages. Des voyages dans le sud. Là où j'ai vraiment pas mis les pieds encore, c'est vraiment du côté basque. Sinon, j'ai mis les pieds un peu partout, en Bretagne, en Alsace, en aller vers Lille, Nancy, Mulhouse, Bordeaux. Et côté Marseille, Marseille et tout ça, ça sera plutôt sûrement cet été. D'accord, très bien. Donc là, tu reviens du Portugal, là, récemment, tu étais au Portugal ? Alors, je n'ai pas été au Portugal. Non, tu n'as pas été. Pour une raison assez simple, c'est que j'ai en fait été sur un projet de casting et de deux castings différentes. Parce qu'on parlait justement de la force des réseaux sociaux, c'est que je me fais contacter en fait par Donc depuis La Nouvelle Star, ça a changé ta vie ? Oui, il y a eu un avant et un après. D'accord. C'est clair qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus de musique. J'ai plus confiance justement en ce projet-là, musical, artistique. Ça m'a donné plus d'élan. Ouais, puis t'as été finaliste quand même. Hein, c'est ouais, c'est un beau... C'est un beau projet. C'est une belle expérience, hein, de vie. Ouais. C'est ouais, enfin, j'ai fait 3 primes en direct, même un 4e, parce que du coup, la semaine d'après, là, pendant la finale, on a encore été appelé sur place. Beaucoup de rencontres. Avant tout, c'est vraiment une expérience humaine et artistique aussi. Ça m'a aidé à me libérer, en fait. Tu te dis... Ça t'a obligé à te révéler. Voilà, ça t'oblige à forcément donner le meilleur parce que t'as un public qui te suit, t'as des gens. Et même si aujourd'hui, honnêtement, je suis meilleur que quand j'y étais. C'est dans plein de domaines, que ça soit l'écriture, la réalisation. Ça m'a appris à être plus professionnel. Voilà, c'est plus ça. C'était une formation. Ouais, voilà. C'est une formation, en fait. C'est une formation. Oui, parce que t'as des coachs, en fait, sur place, là-bas. Exact. On avait même 3 coachs. J'en ai connu même 4. Parce que, voilà, c'est une aventure, quand même, qui se fait sur 6 mois. Ah, 6 mois, oui, je ne savais pas. C'est sur 6 mois, oui. Entre les premiers castings que tu fais jusqu'à la finale. Voilà, il se passe quand même 6 mois. Donc, entre-temps, évidemment, t'as des pauses, notamment. Mais pendant ces pauses-là... Tu reviens chez toi, en fait? Ouais, voilà, c'est des moments où tu reviens chez toi. Donc c'était décembre 2015 en fait, c'était tout ce qui est casting et pré-casting et casting devant les jurys, les vrais jurys quoi. Et ensuite, nous avions eu le théâtre au mois de janvier, début février, c'était tout ce qui était épreuve du feu, le dernier épreuve avant du feu, ça veut tout dire. Voilà, on était 16 et il fallait être dans les 10 derniers pour faire les primes en direct. Et ensuite, entre février, mars et avril, en fait, t'as les diffusions télévision. Où du coup, nous, on est à la maison et nous aussi, on découvre l'émission comme tout le monde. Comment ils ont monté ça, comment c'est présenté. Et après, on revient, comme tu fais partie des 10 derniers, on revient pendant 1 mois pour les primes. Donc 1 mois, parce que du coup, ça m'a pris quasiment 3 semaines et demie, mais... Voilà, c'est 1 mois où tu te dis pendant 1 mois, tu te consacres à ça, quoi. D'ailleurs, il y a une copine qui était là et elle était bachelière. Voilà, 1 mois, elle était là-bas, quoi. Pas d'école. Elle a dû rattraper quand même bachelière. C'était quand même risqué, mais bon, c'est unique. C'est unique. Je pense que honnêtement, il faut le faire, quoi. T'es dans un truc comme ça, il faut y être, quoi. Faut y aller. Oui. Eh bien, écoutez, je sais que tu as aussi plusieurs casquettes. Donc, on parlait de coach tout à l'heure. Yes. Et toi, tu as également monté ton propre projet. Et donc, aujourd'hui, tu es professionnel également. Exact. Tu travailles pour d'autres artistes et tu es coach également. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, il y a... Donc, dans le mot coach, en fait, il y a beaucoup de trucs. C'est-à-dire que ça m'est venu... parce qu'après La Nouvelle Star, j'étais invité à notamment à du jury sur des projets, des tremplins, des concours de chant. Et en fait, beaucoup de personnes m'ont demandé, est-ce que tu donnerais pas des cours? Est-ce que tu voudrais pas nous aider? Donc, ça part vraiment de personnes qui sont pas forcément professionnelles, mais qui veulent progresser dans ce domaine. Et, moi aussi, j'avais cette envie, de faire progresser aussi un peu la culture. L'accès à la musique, l'accès à ce genre de choses qui est aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est l'accès à la culture, elle peut être très difficile. C'est vrai, c'est vraiment difficile. Hein. Et pourtant on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et moi dans mon envie d'être acteur en fait social, acteur culturel, je me suis dit ben en fait je peux le faire. Et puis en même temps j'étais aussi coach en fait sur des festivals différents. Pour aider des jeunes à monter sur scène, notamment la fête de la musique. Et c'est toute l'expérience que j'ai eue, plus les expériences que j'ai eues avec tous les coachs que j'ai pu avoir, ça peut être sur La Nouvelle Star, ou tous les coachs que j'ai pu avoir pendant des tremplins, des concours de chant, toutes ces choses-là m'ont permis en fait de comprendre c'est comment on chante, comment on peut être moins stressé aussi. Et voilà, je donne des cours de chant. Tout s'apprend. Tout s'apprend, c'est des cours de chant. Et en même temps... c'est aussi du scénique. J'ai des groupes, notamment en Bretagne, que je salue. C'est des jeunes qui veulent monter un petit spectacle et auxquels j'accompagne en fait. Ils ont déjà tout monté. Ils ont leurs chansons. Ils ont leur. C'est une sorte de petite comédie musicale. D'accord. Et ils ont leurs chansons, mais ils avaient besoin d'une personne extérieure, d'un avis extérieur pour pouvoir les briefer sur comment les mettre mieux en avant, comment on peut plus parler donc le côté théâtral et comment on peut mieux exprimer en termes d'interprétation une chanson. Donc donner aussi des avis sur c'est mieux que ça soit telle personne qui la chante parce que vocalement c'est mieux que un autre. Et en fait ça je le vois beaucoup dans mes rencontres, c'est que vous avez ce qu'on appelle la confiance. Et vous avez aussi ce qu'on a, le potentiel artistique. Et en fait, c'est des choses totalement différentes. Tout à fait. Et quand tu vois des groupes qui veulent monter des projets qui sont plus ou moins finis, c'est mon travail, c'est de dire, vaut mieux que ça soit telle qui chante parce qu'elle a plus de potentiel vocal, plus d'émotion qu'un autre. Et ou faire l'inverse, dire non, vaut mieux que ça soit plutôt un tel qui va parler qu'un autre. Mais c'est une idée. Tu donnes ton avis. Pourquoi? Évidemment, ça reste toujours. C'est pas fermé. C'est-à-dire, si quelqu'un a envie de progresser parce qu'il se dit, moi j'ai plus d'envie de chanter. Donc voilà, c'est des projets comme ça. Et il y a aussi de l'accompagnement de personnes qui veulent faire des castings. Voilà, il y a quelques temps, j'ai eu un jeune qui voulait faire le casting de The Voice, qui venait de Tours. Il voulait que je l'accompagne, lui donner un peu des astuces, comment faire, tout ça, quoi. Donc c'est très particulier, t'as des gens qui veulent se professionnaliser, d'autres qui veulent faire des castings. J'ai eu une jeune, mais ça c'était particulier, qui voulait apprendre à mieux parler en public parce que c'était difficile pour elle. Et comme elle savait chanter, elle aimait chanter, j'ai utilisé l'art du chant et de la scène pour pouvoir la libérer un peu plus. Donc voilà, c'est pas forcément un objectif d'en faire des gros chanteurs ou des gros performeurs, c'est surtout l'objectif de pouvoir déjà apprécier ce qu'ils font, et pouvoir arriver à l'objectif qu'ils veulent atteindre. Donc là, tu es multicasquette, mais tu es épanoui. Clairement, ouais, c'est un... Tu fais tout ce dont tu as envie. Exact. Je pense que c'est l'avantage... Tout par passion. Tu tentes. Tu y vas. Voilà, tu ne te poses pas de questions. Je sens que j'ai les compétences, j'ai de l'expérience. Voilà, tu y vas, quoi. Exact. Et puis d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai enregistré des choses beaucoup plus dans la comédie. C'est nouveau pour moi, mais je sais que l'expérience de la scène m'aide et voilà, t'es entouré de professionnels qui t'aident, donc il faut y aller, quoi. Je parle de publicité ou des choses comme ça, quoi. C'est, ça a rien à voir. Je suis pas comédien, mais aujourd'hui, ben voilà, vous allez sûrement me voir sur des choses. Tu expérimentes, tu as, c'est une avidité en fait. C'est ça, c'est la vie. Tu nous rappelles ton âge, parce que t'es tout jeune encore. J'ai 28 ans. 28 ans, c'est déjà super. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais. Bah écoutez. Moi, j'ai envie que tu nous interprètes une nouvelle chanson, en fait. D'accord. En live. Tu vas nous interpréter quoi exactement? Alors. Je ne le sais pas, du coup. Tu ne le sais pas, ouais. Non, c'est la surprise. Alors, c'est un titre, en fait, qui est déjà sorti, et qui s'appelle Vunzeo. D'ailleurs, c'est un titre que je chante avec ma sœur et ma nièce en temps normal, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que YouTube. Et voilà, je voulais vous donner une petite des petits rudiments de ce que ça fait, sans les harmonies vocaux évidemment. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de chanter parce que c'est des choses comme ça qui m'ont construit, quoi. On t'écoute. Mitale niva ukamna yange mitange mitaranga minawe mitale niva ukamna yange mitange Mitaranga minawe Vunzeu anga izanga ahe Famitale Vunzeu tiulu mitale Famarare Vunzeu anga Zangare Famitale Vunzeu tiulu mitale Famarare Fatrange Rumanza kamna yangi Nivula Rumanzar no tupuini Fantange Rumanzar kamna yangi Nivula Rumanzar no tupuini Vunzeu anga izangahare Famitale Vunzeu tiulu mitale Famarare Vunzeu anga izangahare Famitale Vunzeu tiulu mitale Navel Rafiavanga nga faini Sluina Tstuktukuane tsirue Vunzeu anga zangahare Famitale Vunzeu tiulu mitale Famarare Vunzeu anga izangahare Famitale aller. Vont dire où l'homme allé. Bravo. Merci beaucoup. Encore une fois magnifique. Merci. On va avoir du mal à se quitter ce soir, Neritsu, avec ce que tu viens de chanter. Ah, bah écoute, il y en aura d'autres, tes moments. On est d'accord. Bon, en tout cas, tu étais venu nous présenter ton single qui sortira par le clip le 13 mars. Exact. Et donc, le 1er avril, un EP, 4 titres, sort. Exact. Intitulé Passion. C'est Passion, comme la radio web Passion, en fait. Exact. Et ton single, donc le clip le 13 mars, c'est I Want You. C'est I Want You, que tu nous as interprété tout à l'heure. Tout à l'heure, qui était formidable. Puis voilà, ne vous fiez pas à ce que vous entendez. C'est un titre en français. C'est juste que c'est un clin d'œil aux personnes avec qui j'ai bossé ou des personnes pour qui j'ai écrit aussi les morceaux. Donc voilà, c'est top. Petit clin d'œil. On va te souhaiter, puisqu'il va, ça va être l'heure de se quitter. Exact. Donc, on va rappeler tes prochaines dates. Tu nous as parlé d'un show tout à l'heure, le samedi 7 mars sur Paris. Exact. Au Story Paris, c'est pour le fashion show. Donc, c'est un défilé de mode, en fait. Mais du coup, là-bas, je vais chanter. Je vais chanter là-bas. Je te suivrai. Bon. Et donc, le 6 juin également, au Paris La Défense. Exact. Donc, à la Gare Live. C'est pour la Gare Live, oui. D'accord, très bien. Donc, d'autres dates sont en cours, mais pour le moment, de toute manière, on te suivra sur tes réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc, sur Facebook, Instagram, Twitter. Exact. J'en ai oublié, certainement. Non, je crois que tu as tout dit. Snapchat. Snapchat, c'est oui, tu m'as dit que tu étais pas mal sur Snapchat. Hein. Exact. Ouais. D'accord. Donc, je vais te souhaiter plein de bonnes choses, que ce soit pour ton activité de coaching ou tes projets professionnels artistiques. Merci. À toi et à ta famille. Merci beaucoup. Puisque ça va sans dire, on va dire. Oui, on est ensemble. Et moi, je vais de mon côté, donc je vais te souhaiter bonne continuation. On va se quitter. Moi, de mon côté, merci, je voudrais Bérénice. Remercier les personnes de Radio Web Passion qui me soutiennent pour cette nouvelle aventure. Donc, j'ai Arnaud qui est pas très loin de moi. Il y a également mon camarade qui n'est pas présent ce soir, mais pour lequel j'ai une pensée. Peut-être m'écoute-t-il. Donc, Fabien, qui est également chroniqueur d'une émission demain soir à partir de 17h30 et qui s'appelle Only Rock. Donc, je voulais vous remercier de l'accueil qui m'a été réservé sur cette radio, qui est associative, pour lequel il y a beaucoup d'énergie et de passion, puisqu'elle s'appelle en plus Radio Passion. C'est passion le. Ouais, c'est Radio Passion. Et ton EP qui sortira, ça sera Passion. Donc c'est vraiment pas fait exprès, mais c'est comme ça que ça se passe. Pour moi, le prochain rendez-vous est prévu le lundi 30 mars avec une artiste qui est également qui a un début de belle carrière artistique. Je vous en dirai bientôt plus, bien sûr, sur mes réseaux sociaux. Enfin, et je vous dis donc à très bientôt. Bon retour à vous si vous êtes sur la route. Au revoir, Neritsu. Au revoir. À très vite. Hein. À bientôt. Au revoir.